Connaissez-vous le mot pour dire vin, hein, la boisson, en espagnol? Oui, c'est vino. Vino, hein, V-I-N-O, vino. Eh bien, il se trouve que vino veut aussi dire il ou elle est venu au passé sans plongeoir, c'est-à-dire il ou elle vint. Hein. Là encore, le i prédomine au passé. Donc, le e de venir devient un i, hein, vino. Il se passe ailleurs la même chose en français, hein, puisqu'on passe de venir à vin, hein, il vin, hein, etc. Donc, vino. Alors, il vint avec du vin, se dira. Vino con vino. Vino con vino. Hein? Vino con vino. Donc, si vino, c'est il ou elle est venu, hein? Il ou elle vint, comment dira-t-on « je suis venu » sans plongeoir? Bine, bine. C'est ça, hein? Bine. Alors, voilà encore un autre verbe gogo qui suit le même schéma. Donc, bine et bino.